Violetta, par Marcel Trière. Certainement, Violetta, les façons d'aimer varient à l'infini. Vous savez qu'il n'y a pas deux feuilles d'arbre qui soient exactement pareilles. De même, il n'y a pas deux cœurs d'homme tout à fait identiques. Toutes les variétés d'amour s'y trouvent, avec toutes les nuances intermédiaires entre l'amour égoïste de ceux qui aiment, en ne pensant qu'à eux-mêmes, jusqu'à l'amour dévouement de ceux qui aiment en ne pensant qu'à la femme aimée et qui sont prêts à tous les sacrifices sur un modèle, sur un simple signe du petit doigt, pour satisfaire au plus capricieux de ses désirs. Ainsi parlait Laurent Corti à Violetta pour essayer de la convaincre que nul autre ne saurait l'aimer comme il l'aimait lui-même. La jeune femme était assise dans un haut fauteuil sur la terrasse de sa villa, aux environs de San Remo. Sa robe dégageait largement son cou, moulait ses seins orgueilleux et laissait ses bras nus. Sa lourde chevelure brune contrastait avec son visage mat où tranchaient ses lèvres rouges qui frémissaient par instants, comme devant une convoitise ou une contrariété. Et ses grands yeux profonds, dont les regards erraient au loin sur la mer, parfois revenaient vers le perron d'où on accédait à la terrasse, comme si elle attendait quelqu'un. Parfois aussi vers celui qui lui parlait, mais sans s'y attarder, comme si elle ne lui accordait que peu d'importance. Laurent était assis à côté d'elle sur un tabouret bas. « Oui, Violetta, c'est ainsi que je vous aime. » Il leva son regard vers la jeune femme. À mesure que l'heure passait, elle commençait à donner quelques signes d'impatience et tournait la tête vers ce perron qui restait désert. « Vous savez l'heure qu'il est, Laurent ?»« Bientôt 7 heures, » répondit-il en regardant sa montre. Un pas se fit entendre loin. Elle tressaillit. Le pas se rapprochait et bientôt fut assez distinct pour qu'elle le reconnût. La haute silhouette du nouveau venu se découpait à la dernière marche du perron sur les lueurs éclatantes du couchant. Il s'avança. Laurent s'est élevé. Les deux hommes se saluèrent froidement. La jeune femme tourna la tête. « Ah, c'est vous, Pierre, comme vous venez tard. »« Comment tard ? C'est l'heure la plus adorable pour venir voir les jolies femmes et prendre un verre de ce vin de Malvoisie que j'aime tant. » Il tournait la chose en plaisanterie, mais Violetta ne se déridait pas. Cependant, elle frappa sur un timbre. Une servante accourut, et sur un signe, elle s'inclina, disparut, et revint bientôt avec des verres et la bouteille de Malvoisie. Violetta remplit les verres, tous trois burent en silence, puis Laurent se leva, posa ses lèvres sur la main de la jeune femme, et salua Pierre encore plus froidement. Quand Violetta et Pierre furent seuls, il y eut 3 secondes d'un silence un peu lourd, puis elle attaqua. « D'où viens-tu? Pourquoi arrives-tu si tard? Mais, mon ami, je viens de chez moi. J'ai rencontré un ami, nous avons bavardé peut-être un peu longuement. Oui, sans doute, et moi, pendant ce temps-là, je t'attends. Je me morfonds. Je me demande ce que tu fais. Pourquoi toujours cette méfiance que rien ne justifie? Nous nous aimons, mais nous ne pouvons pas nous aimer dans le calme et la sérénité. Les moments que je passe près de vous sont les seuls qui comptent dans ma vie. Je vous en supplie, mon ami, ne les troublez pas par des paroles de doute, de suspicion, de jalousie. Mais je ne suis pas jalouse, mon cher, se récria Violetta, le visage crispé. Vous pouvez bien, si ça vous fait plaisir. Ma bien-aimée, nous nous aimons. Ne rendez pas amères les heures que nous passons ensemble par je ne sais quelle humeur irritante. Nous sommes là, tous les deux. Et je voudrais que nous ne nous séparions jamais. Eh bien, encore un peu de patience. Bientôt, un lien plus étroit nous unira. Mais il y a des formalités à remplir, des papiers à établir. Je devrais m'absenter quelques jours. Est-ce que ces serments t'attacheront plus étroitement à moi? Tu trouveras toujours des prétextes pour t'éloigner en jurant que tu m'aimes. Elle s'était redressée, l'œil en feu, les lèvres serrées, comme si elle avait eu à combattre un sort contraire. Pierre eut un moment de découragement. Ils restèrent un moment silencieux, chacun retranché dans ses pensées. Le pas de la servante glissa sur les dalles. Sous un signe de Violetta, elle poussa devant eux une table roulante chargée d'une collation légère, des mets délicats et rares, et la bouteille de Malvoisie chère à Pierre. La jeune femme s'était calmée. Pierre la servait avec toutes les attentions délicates qu'il pouvait avoir pour une amante dont le moindre geste, le moindre mot maladroit ou mal interprété pouvait blesser la sensibilité irritable. Il eut le bonheur de voir le souper se terminer sans orage. Ils restèrent l'un près de l'autre, suivant leurs pensées, en regardant la nuit lourde bleue, criblée de points d'or, et laissant passer le temps sans s'inquiéter de sa fuite. Puis Violetta se leva. Pierre fit comme elle. Ils s'avancèrent jusqu'à la balustrade de la terrasse et s'y accoudèrent. Une paix profonde régnait sur la terre endormie. Des lumières brillaient encore à quelques fenêtres ouvertes sur la splendeur de la nuit. Mais elles s'éteignaient l'une après l'autre. La mer clapotait doucement et on entendait, en prêtant l'oreille, son murmure éternel. Ces mille petites vagues reflétaient la clarté argentée de la lune comme autant de petits miroirs. Violetta frissonna. « Vous avez froid, ma bien-aimée. La fraîcheur de la nuit. Rentrons, voulez-vous ?» Il passe le bras autour de ses épaules et l'entraîna. Dans la chambre de leurs amours, il la tint un moment serré sur son cœur. Comme il arrivait tous les jours, Laurent était à sa place au pied de Violetta. Depuis le départ de Pierre, il n'osait plus guère parler de son amour ou, s'il risquait à le faire, ce n'était que par allusion discrète et voilée. Le regard de la jeune femme se perdait dans le lointain. Il ne semblait pas y errer au hasard, mais fixer un point précis où se dessinait une image comme elle était dessinée dans son cœur. Pierre était parti après des adieux émouvants. Il devait rassembler des papiers nécessaires à leur mariage. Violetta serait tenue au courant par une lettre tous les deux ou trois jours, et depuis 15 jours, elle n'avait encore rien reçu. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. « Que voulez-vous qu'il lui soit arrivé ?» dit Laurent. « On ne sait jamais. Un accident. C'est bien improbable. S'il lui était arrivé un accident, il vous l'aurait fait savoir, et s'il était dans l'impossibilité de le faire lui-même, quelqu'un n'aurait pas manqué de s'en charger. Mais alors, que supposer ? Les suppositions sont rarement justes. Tôt ou tard, les événements s'éclairent. Mais enfin, il faut que je sache, moi. Vous le saurez, avec de la patience. Ne perdez pas courage. 15 jours sans nouvelles, c'est long, mais une lettre peut se perdre. Comment une lettre ? Ce n'est pas une, mais 5 que j'aurais dû recevoir. » Laurent eut un geste d'impuissance et murmura pour lui seul. « Il y a des hommes qui ne savent pas aimer. » Violetta l'entendit-elle ? Sans doute, mais elle resta impassible. « Ne vous impatientez pas, dit-il, peut-être demain. » Car s'il fondait quelque espoir sur l'absence et le silence de Pierre, il lui était pénible de voir cette femme qu'il aimait sincèrement, accablée et angoissée. Elle eut un sourire triste pour lui répondre. « Enfin, avec ou sans nouvelles, je vous verrai toujours, vous. » Laurent revint le lendemain et tous les jours. Peu à peu, il reprenait courage. Violetta ne recevait rien. Sans se donner des airs de plaindre l'infortune de la jeune femme, car des paroles de pitié l'auraient hérissé, il se comportait auprès d'elle avec une déférence attentive comme il aurait fait pour une malade. Il était capable de tous les sacrifices. Il ne vivrait que pour se dévouer aveuglément. Rien ne l'arrêterait pour satisfaire à tous les désirs, à tous les caprices de la bien-aimée. Assis tous les deux sur la terrasse, Violetta fixait sur lui un regard scrutateur, comme si elle eût voulu percer ses pensées secrètes. « Ah oui, tu m'aimes, tu es prêt à tous les dévouements. Eh bien, nous verrons si, le moment venu, tu obéiras à mes volontés. » Car, sous des apparences froides et calmes, montait dans le cœur de la jeune femme une haine implacable, une volonté de se venger de l'affront que Pierre infligeait à son amour et à son orgueil. La première impression de Pierre quand il eut quitté Violetta fut un indicible soulagement. Il débarqua à Paris par un beau matin de printemps, bien décidé à refaire connaissance avec la capitale et ses plaisirs. Pendant quelques jours, il employa son temps à parcourir les beaux quartiers, les beaux monuments qui font de Paris la ville la plus spirituelle du monde, Champs-Élysées, boulevard Notre-Dame, et la Sainte-Chapelle, le Bois de Boulogne, le Luxembourg, le Louvre. Il entrait dans les musées, les expositions de peinture, et le soir, il allait au concert ou au théâtre. Ah, comme il était loin de Violetta! Ce fut au foyer des variétés qu'il rencontra son ami M. Rambert. Après la surprise de se retrouver là, ils se demandèrent et se donnèrent réciproquement de leurs nouvelles. « Et que fais-tu à Paris ?» demanda M. Rambert. « Rien, je me promène, » répondit Pierre. « Eh bien, viens avec moi. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Nous aurons le temps de bavarder plus longuement qu'ici. Allez avec toi, où donc ? » ?»« Je pars après-demain pour rejoindre ma femme et mes gosses qui sont déjà dans ma propriété de Saint-Hilaire, sur les bords de la Loire. C'est charmant. Viens passer quelques jours avec nous. tu retrouveras toujours Paris après. « Ma foi, tu me tentes, » dit Pierre. « J'ai besoin d'un peu de repos. »« Eh bien, tu ne peux pas trouver mieux. » Le silence, la solitude, la paix des champs et des bois, le printemps est précoce. Un séjour à la campagne te fera le plus grand bien, et nous serons heureux de te revoir un peu longuement. Alors j'accepte. Tu pars après-demain, me dis-tu? Si je ne te gêne pas, je partirai avec toi. Voilà qui est entendu. Pierre était enchanté. Il avait retrouvé un camarade avec qui il s'entendait parfaitement. Sa femme était charmante et très gaie, et ses deux enfants ravissants. Leur villa était très agréable en bordure des bois, à deux pas de la rivière. Ses amis lui avaient donné une grande chambre et lui laissaient sa liberté complète. Leur ménage était parfait. La jeune femme témoigna à son mari d'une affection souriante qui faisait souvent penser à Pierre. Ah, si Violetta avait ce caractère-là! Mais il secouait bien vite le souvenir des scènes trop fréquentes qui avaient empoisonné leur amour. Le soleil brillait, les feuilles nouvelles tremblaient doucement sous une brise déjà tiède, les fleurs commençaient à s'ouvrir, l'air était plus léger. Une vie nouvelle circulait dans la sève des arbres et dans les veines des hommes, et Pierre s'abandonnait à la joie de vivre. Le meilleur moment était celui du déjeuner, et plus encore l'heure qui suivait. Madame Ambert faisait servir le café et les liqueurs dehors, sous les arbres, mi-ombre, mi-soleil. Chacun s'installait sur sa chaise longue et prolongeait à son gré cette heure délicieuse. On lisait les journaux, on causait et parfois on se laissait aller à une douce somnolence. Or un jour, comme Pierre était là avec ses amis, Madame Ambert se leva tout à coup et alla au-devant de deux personnes qui avançaient dans l'allée. « Oh, Madame Mareuil et Hélène, comme c'est gentil de venir nous voir !» Monsieur Ambert s'était précipité lui aussi et Pierre s'était levé. Son ami le présenta aux deux nouvelles venues, une femme d'une cinquantaine d'années, d'une distinction un peu hautaine, mais tempérée par un charme souriant. Une robe noire égayée par des dentelles blanches, un fichu retenu par un beau camé, un visage serein encadré par des bandeaux gris. Enfin, tout ce qu'un certain âge peut donner à une femme de dignité aimable et charmante. L'autre était une jeune fille. Plus une toute jeune fille, mais 22 ou 23 ans sans doute. Et devant elle, Pierre resta en extase. Un visage d'un modelé ineffable, des traits d'une finesse immatérielle, une carnation laiteuse, transparente et comme éclairée par une lumière intérieure, la lumière magique d'une âme éthérée. Cette même lumière se reflétait dans deux grands yeux limpides, profonds et purs comme le ciel de ce beau jour de printemps. Cette même lumière semblait se jouer dans sa magnifique chevelure mordorée, qu'elle parsemait de fils d'or plus clairs. Quand elle souriait, ses lèvres s'entr'ouvraient comme une rose nouvelle, et elle parlait d'une voix douce comme la harpe éolienne ou la flûte céleste. Oui, Pierre restait en extase, profondément pénétré par l'impression de douceur, de calme, de pureté, d'harmonie qui se dégageait de cette jeune fille et qui semblait l'envelopper comme une auréole angélique. On avait disposé des sièges et apporté des tasses. Le cercle s'était élargi et la conversation s'engageait. Ce fut une après-midi un peu plus animée, un peu plus passionnante que les autres, pour Pierre tout au moins, qui ressentait au plus profond de son cœur le charme de cette jeune fille. On fit un tour de jardin. Monsieur Ambert fut obligé de s'éloigner un instant. Madame Ambert marchait à côté de Madame Mareuil et Pierre avec Hélène. Il lui fit d'abord quelques compliments très discrets qu'elle accueillit avec son sourire céleste. Il était venu chez son ami pour profiter du printemps, de la campagne. Il ne s'attendait pas à trouver dans ce coin reculé un voisinage aussi enchanteur, aussi attachant. Elle répondit qu'elle habitait avec sa mère une villa à 1 kilomètre environ à laquelle elle était liée avec la famille Ambert par des liens d'amitié assez étroits. « Je m'en félicite, » dit vivement Pierre. « Je suis moi-même un ami de M. Ambert. Je l'ai rencontré dernièrement à Paris et il m'a invité à passer quelques jours ici. J'ai accepté. J'en suis heureux parce que le séjour et mes amis sont charmants et doublement heureux maintenant que j'ai eu le plaisir de vous voir. » Sans s'attacher à ce dernier point, Hélène répondit « Oh oui, ils sont charmants. Aussi, quand le temps le permet, nous venons souvent les voir, ou bien ce sont eux qui viennent, quand ma bonne maman est un peu fatiguée. »« Mademoiselle, » dit Pierre, « je demande à bénéficier de cette amitié tant que je resterai ici. Mais certainement, monsieur, pourquoi pas ?»« Je vous remercie, » ajouta-t-il en riant, et vous me l'accordez de si bonne grâce qu'il se pourrait bien que cette grâce me fît prolonger mon séjour. Tant pis si j'apporte une de mes amies. » Hélène se mit à rire, de ce rire léger, si doux, si suave, qu'il vous ensoleillait le cœur et vous donnait envie de vous mettre à genoux. Monsieur Ambert revenait, Madame Mareuil parla de partir. « Il se fait tard, et je ne marche pas vite. Nous allons vous accompagner. Venez-vous, Monsieur Pierre ?»« Comment, s'il venait ? Il n'aura même qu'un regret, c'est que le trajet ne fut pas assez long. » Il s'arrangea pour marcher avec Hélène, ou, quand l'ordre de marche changeait, derrière elle, pour pouvoir contempler sa chevelure d'or, la ligne harmonieuse de son corps svelte et souple, et sa démarche élégante et légère, comme le haut balancement d'un peuplier à la brise du soir. La séparation eut lieu quand ils furent en vue de la villa de ces dames. « Nous ferez-vous le plaisir de venir nous voir bientôt ?» dit Madame Mareuil. On convint pour le surlendemain. « J'espère, monsieur, ajouta-t-elle, en s'adressant à Pierre, que vous voudrez bien venir aussi. » Pierre ne demandait que cela. Pendant le retour, on parla de ces dames, de Madame Mareuil, de sa fortune, de la mort de son mari, de la haute sérénité avec laquelle elle avait supporté ses malheurs et de la joie et de la consolation que lui apportaient la présence et l'affection dévouée de sa fille Hélène. Oui, c'était Hélène surtout qui intéressait Pierre. En prenant des airs détachés, il posait quelques questions à ses amis. Tout ce qu'ils lui dirent se résumait en ceci, qu'elle était une jeune fille ravissante et même très jolie, comme il avait pu voir, d'une éducation parfaite, et le trait dominant de son caractère était une égalité d'humeur, une affabilité, une douceur inépuisable. « Ah !» conclut M. Ambert, « son mari pourra être tranquille, ce n'est pas elle qui allumera les querelles dans leur ménage et qui apportera la discorde. » Pierre tressaillit. On aurait dit que son ami répondait ainsi à sa préoccupation secrète et lui offrait, sans s'en douter, un refuge contre les scènes exaspérantes que lui avait fait subir Violetta. Pendant le dîner, il fut encore question de ces dames, de la jeune fille surtout, et M. et Mme Ambert insistèrent sur ses qualités. En parlant ainsi, avait-il une intention ? Cela n'était pas impossible, était assez naturel. Hélène et Pierre étaient leurs amis. Ils étaient tous les deux en âge de se marier. Ils pouvaient fort bien se convertir l'un à l'autre. Il n'y avait donc rien de surprenant que cette pensée leur soit venue tout à coup en les voyant ensemble. Remonté dans sa chambre, Pierre ouvrit sa fenêtre et regardait la nuit. Deux images passaient successivement devant ses yeux. Violetta, Hélène. Laquelle était la plus jolie des deux ? Il était bien difficile de trancher la question et il eût été bien embarrassé s'il lui fallut répondre. Elles étaient si différentes. La beauté brune de Violetta s'imposait, hautaine, passionnée, troublante, un peu dédaigneuse et acceptant les hommages avec la conviction qui lui était due. La beauté d'Hélène, au contraire, n'était pas impérieuse, mais insinuante. Elle n'éblouissait pas, elle rayonnait. Elle impressionnait les yeux sans doute, mais plus encore le cœur. Oui, quelqu'un qui les aura vues toutes les deux, l'une près de l'autre, eût été bien embarrassé pour formuler une préférence, et Pierre lui-même. Mais où l'hésitation n'était plus possible, c'est quand il pensait au caractère des deux jeunes femmes. Le caractère difficile, épineux, insupportable de Violetta, ce caractère qui se raidissait à la moindre contrariété et qui la poussait à faire des scènes violentes et interminables à propos de tout et même de rien. Ce caractère contre lequel il avait lutté de toutes les façons sans parvenir à l'améliorer, combien il en avait souffert. Et maintenant qu'il s'était libéré au moins pour un certain temps, une question angoissante se posait à lui. Malgré ses promesses, se risquerait-il à reprendre une existence aussi tourmentée ? Il n'avait pas encore donné de réponse à cette question, et tant que sa décision ne serait pas prise, il était résolu à ne pas donner de ses nouvelles à Violetta. Il se la représentait attendant chaque jour une lettre qui n'arrivait pas. Il imaginait les colères froides et indignées qui devaient la secouer, à chaque journée passant ainsi sans nouvelles, et de quelles imprécations elle devait charger son souvenir. Depuis qu'il l'avait quittée, il avait pensé uniquement à elle. Mais voilà qu'à côté de ce beau visage de femme, aimé, animé par la colère, se dessinait un autre beau visage de femme, empreint celui-là, d'une douceur angélique. Voilà que les traits de Pierre, qui s'étaient crispés comme pour faire face à l'ennemi, se détendaient en un sourire ineffable. Voilà que la menace de mener une existence coupée de scènes épuisantes et injustifiées faisait place à l'espoir d'une vie calme, paisible et remplie seulement par une affection sûre et reposante. Pierre se coucha avec l'impression qu'une vie nouvelle commençait pour lui. Le lendemain, Pierre n'osa pas parler d'Hélène, mais au moment où il prenait le café comme d'habitude, M. Humbert dit « Voulez-vous demain que nous allions faire une promenade en voiture jusqu'à Tours, par exemple ?»« Mais non !» se récria Mme Humbert. « Nous devons aller chez les dames Mareuil. »« C'est juste, je n'y pensais pas. » « Vous venez avec nous, Monsieur Pierre ? » ajouta-t-elle. « Bien sûr, il vient, » répliqua Monsieur Humbert. « Tu ne voudrais pas qu'il manque une aussi riche occasion de voir la belle Hélène. »« Je n'y saurais manquer, » plaisanta Pierre en rougissant légèrement. « D'ailleurs, j'ai eu une invitation particulière. »« De la part de la maman ?»« Oui, c'est d'ailleurs elle, la maîtresse de maison. » »« Et puis, rien ne t'empêche de penser que si la maman ne l'avait pas formulé, la jeune fille n'y aurait pas manqué. »« Je l'espère bien ainsi, » releva Pierre en ajoutant. « Mais dites-moi, si ces dames ont une certaine fortune, la jeune fille étant fort jolie, comment n'est-elle pas encore mariée ?»« C'est assez explicable, » dit Madame Humbert. « Tant que M. Mareuil a vécu, la famille habitait Paris. Il faisait partie de quelques conseils d'administration et l'existence était assez large. Ils avaient des relations. Mais lui disparu, les ressources diminuaient sensiblement. La fortune était suffisante autrefois. Aujourd'hui, les intérêts ne le sont plus. » Il faut tellement d'argent pour vivre à Paris, maintenant surtout qu'ils n'en rentrent plus. Alors ils se sont retirés sur ce domaine familial, qui n'est pas très considérable, mais qui, avec un bon fermier, suffit à les faire vivre. Seulement, ici, elle ne voit pas grand monde. Alors, qui peut-elle épouser? Le percepteur, le postier, le receveur de l'enregistrement? Peut-être quelques hobereaux du voisinage a-t-il demandé sa main, mais alors il faut croire que ça ne lui a pas plu. Elle ne raconte pas ses petites affaires. « Ou bien, peut-être, plus simplement encore, elle t'attendait, mon cher, » plaisanta M. Humbert. « Je ne suis pas éloigné de le croire, » répliqua Pierre pour plaisanter lui aussi. « Riez si vous voulez, » dit Madame Humbert. « Mais dans toute pensée, si invraisemblable soit-elle, dans toute supposition, il y a une part de vérité, ou du moins qui peut devenir une vérité. Ainsi, nous avons une voisine délicieuse. Vous venez passer quelques jours avec nous, vous vous rencontrez, l'étincelle jaillit, l'amour naît. Et voilà un mariage. Qu'y a-t-il de si extraordinaire ? Mais rien, ma bonne amie, rien, appuya M. Humbert, d'autant plus que je suis persuadé que Pierre et Hélène s'entendraient parfaitement. Je ne connais pas exactement leur situation de fortune, mais je crois qu'il y aurait équilibre. Ils ont tous les deux des goûts assez délicats et sont de rang, d'éducation, de classe sociale égale. Pierre est un bon garçon, et s'il veut une femme de nature tranquille, de sentiments tendres et de caractère angélique, il ne peut pas mieux choisir. C'était curieux comme ses amis insistaient sur la douceur de caractère d'Hélène, comme s'ils devinaient que Pierre avait cruellement souffert de l'humeur emportée d'une femme. « Donne-nous donc un petit verre de cognac, » dit M. Humbert à sa femme. « Cela éclaircira les idées de notre ami Pierre et lui permettra de voir plus clair au fond de son cœur. » Et tenant son petit verre de cognac dans sa main pour le réchauffer, il ajouta. « Tu sais, mon ami, nous n'avons pas reçu mission de marier Mademoiselle Hélène, et nous n'avons aucun intérêt à cette opération, sauf que tu demeureras sans doute au moins une partie de l'année auprès de nous, et que nous aurions le plaisir de te voir souvent. Nous n'avons pas fait davantage le vœu de te marier toi-même. Non, si nous nous permettons de te dire quelques mots de la possibilité de cet événement, c'est que nous pensons, ma femme et moi, que vous pourriez y trouver tous les deux le bonheur, et que nous serions nous-mêmes heureux de vous voir heureux. « Je vous remercie, » dit Pierre doucement ému. « Et maintenant, comme nous ne voulons pas t'importuner, nous ne t'en parlerons plus, sauf si tu en parles toi-même, le premier. Tu es assez grand pour démêler ce que tu as à faire. En attendant que la journée de demain nous permette de revoir cette chère enfant, viens faire un tour avec moi jusqu'à la rivière. » Comme l'avait dit M. Humbert, il ne fut plus question d'Hélène. Le dîner fut égayé par le babil des enfants. La soirée et la matinée du lendemain furent calmes, et l'heure arriva enfin de partir. La villa des dames Mareuil était déjà ancienne, mais délicieusement aménagée. Des arbres, une pièce d'eau, des massifs de fleurs, une terrasse. Hélène vint au-devant des visiteurs et les accueillit avec ce sourire qui était un reflet de son âme. Elle les fit entrer dans un grand salon où Madame Mareuil les attendait. Elle leur montra des sièges autour d'elle. « Eh bien, monsieur, » dit-elle à Pierre, « est-ce que le pays vous plaît ?»« Beaucoup, » répondit-il. « Ce paysage délicatement vallonné et coupé par des cultures diverses, les hauteurs couronnées de bois, cette large rivière et l'aménité de ses habitants. Tant mieux, vous y resterez plus longtemps. » tant que je n'abuserai pas de l'hospitalité de mes bons amis, dit-il en regardant Hélène. Monsieur et Madame Ambert se récrièrent. Ils pouvaient bien rester tant qu'ils voudraient. Tout en parlant et sans avoir l'air d'examiner la pièce, Pierre regardait autour de lui. Bon vieux meuble de vieille famille, quelques portraits et un magnifique piano à queue qui occupait un côté du salon. « Vous êtes musicienne, mademoiselle ?»« Je pianote. »« Allons, Hélène, » intervint Madame Mareuil. « Tu es trop modeste. Tu fais mieux que pianoter. Tu as un très joli talent et tu chantes en t'accompagnant. »« Oh, maman, voyons. Il n'y a qu'un moyen pour que nous puissions apprécier, dit Pierre, c'est que vous vous mettiez au piano. » Elle ne se fit pas sottement prier. Elle chanta une mélodie de Forêt, une de Duparc, et termina par un nocturne de Chopin. Ce n'était pas une virtuose exceptionnelle, mais elle comprenait la musique et la jouait avec une très sincère sensibilité. « Excusez-moi, mademoiselle, dit Pierre, mais je suis plutôt de l'avis de madame votre mère. Vous avez un très joli talent, un double talent. » Il fut remercié par un nouveau sourire. « Voulez-vous prendre les rafraîchissements ici ou sur la terrasse ?» On fut d'avis de sortir. De la terrasse, la vue s'étendait au loin. On admira le paysage, les cultures, les prés, les vignes, la rivière. Immédiatement devant la terrasse, une pelouse, la pièce d'eau, des massifs de fleurs, à gauche, le potager. « Et ensuite le parc, » dit Pierre. « Oh, le parc, » reprit Hélène, « c'est beaucoup dire, quelques arbres. »« C'est vrai, vous ne connaissez pas notre domaine. » « Mais non, mademoiselle, c'est la première fois que je viens. »« Eh bien, Hélène, » dit Madame Ambert, « faites faire à Pierre le tour du propriétaire. Nous nous reposons. Nous nous connaissons depuis longtemps. » Pierre et Hélène sautèrent les quelques marches du perron. « Oh, » dit-elle, « le tour sera vite fait. Là, quelques fleurs, l'agréable. »« C'est vous qui les soignez, mademoiselle ?»« Mais bien sûr. » Puis, continuant, « là, le potager, les légumes, l'utile. Y mettez-vous la main aussi ?» « Certainement. Je ne fais pas les gros travaux. Mais pour semer les radis, ramer les petits pois ou repiquer les laitues, je ne vais chercher personne. Mes compliments. Il faut savoir tout faire et ne rien dédaigner. Et puis, voilà le bosquet. Vous voyez, ce n'est pas grand, mais nous avons quelques beaux arbres. C'est ici que je viens m'installer pendant les journées chaudes pour me reposer, lire. Et vous demeurez toute l'année ici. Mais oui, toute l'année. Et vous ne vous ennuyez pas. » Elle le regarda comme si elle ne comprenait pas, puis elle répondit « M'ennuyer ? Jamais. Avec la musique, la maison, quelques livres, le jardin, comment pourrais-je m'ennuyer ? Je ne comprends pas les gens qui s'ennuient. S'ennuyer, c'est avouer que l'on n'a pas en soi-même assez de ressources pour occuper le temps, qu'on est incapable de se tenir à soi-même compagnie. » Ils allaient tous les deux, lentement, sous les arbres. Le grand air donnait un peu d'animation au visage d'Hélène. Quelques boucles folles voltaient sur sa nuque ambrée. Ses yeux brillaient et la douce musique de sa voix faisait battre le cœur de Pierre. « Vous êtes la sagesse même, » dit-il d'un ton pénétré. Et il eut envie d'ajouter « Heureux celui qui partagera avec vous cette existence radieuse et sereine après avoir eu la joie de vous inspirer l'amour. » Mais il pensa qu'il était encore trop tôt pour tenir ce langage et il revint retrouver les compagnies sans rien dire. « Eh bien ?» cria Madame Ambert à Pierre. « Comment trouvez-vous le domaine ?»« Ravissant, » répondait-il étourdiment, « à vous donner l'envie de passer son existence ici. » Il rougit, mais ne put pas rattraper ses paroles. D'ailleurs, l'effet en fut coupé, on se levait, il fallait partir. Ils marchèrent un moment en silence, puis M. Ambert demanda à Pierre, qui restait silencieux, « Mon ami, qu'en penses-tu ? Adorable. » Les jours passaient, Violetta ne recevait toujours pas de nouvelles de Pierre. Laurent, qui continuait à venir la voir tous les jours, reprenait un peu plus d'espoir. « Êtes-vous bien sûr, dit-elle, que vous me montreriez en toutes circonstances un dévouement aveugle ? Comment pouvez-vous en douter ? Mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je ne suis pas disposé à braver les dangers les plus redoutables. Ordonnez, que faut-il faire ? Me venger ? » Le mot était parti comme une flèche. Violetta s'était dressée. Sa bouche se crispait, tout son être exprimait une indignation véhémente contre le parjure qui l'offensait si cruellement. « Votre ressentiment est très légitime, mon ami. Je ne voudrais pas dire un mot pour excuser le coupable, mais réfléchissez. Vous lancez dans une entreprise difficile et peut-être dangereuse. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus habile et plus sûr de traiter cette histoire par le dédain et l'oublier ? Ah ! Voilà bien mes hommes disposés à tous les dévouements et prêts à braver tous les dangers. Dès que la situation se précise, ils battent en retraite. Ne le croyez pas. affirma Laurent. « Je ne rétracte pas un mot de ce que j'ai dit, je ne pense qu'à vous-même. C'est une satisfaction qui m'est bien due, et à laquelle je ne renoncerai jamais. » Elle avait des frémissements dans la voix et des crispations dans les mains, comme s'il avait serré le col de l'homme à qui s'adressait sa haine. « Mon ami, j'ai voulu seulement vous montrer les difficultés de l'entreprise et la quasi-impossibilité de retrouver l'homme. »« Rien n'est impossible, » rétorqua Violetta. « D'ailleurs, je compte sur vous. Vous allez m'aider à assouvir ma vengeance. Alors je pourrai vous croire quand vous dites que vous m'aimez. » « Adorable. Tu as dit adorable. C'est exactement le mot qui convient à cet enfant. Elle a toutes les qualités, toutes les grâces, toutes les séductions. Moi, je suis marié. J'aime ma femme, qui a aussi toutes les qualités et bien des charmes. J'ai de beaux enfants qui font ma joie. Je suis heureux. Mais toi, ce n'est pas la même chose, puisque tu es libre. Et je sais bien que si j'étais à ta place... » En écoutant son ami Ambert, Pierre éclata de rire. « Je croyais que tu ne devais pas chercher à m'influencer. » « C'est vrai, » dit Ambert en riant aussi. « Mais je vois tant de grâce et tant de perfection dans cette jeune fille qu'il me serait agréable de contribuer à votre bonheur. »« Je te remercie. D'ailleurs, tu sais, je suis irrésistiblement tenté. Je n'ai pas vu souvent Mademoiselle Hélène, mais il y a des êtres d'où rayonnent des ondes de lumière et de sympathie si vives, si captivantes, qu'on se sent invinciblement attiré. Eh bien, mon cher, je suis en train de subir en ce moment cette enivrante fascination. » Tu vas le revoir une fois de plus, aujourd'hui, et je pense que cette entrevue sera décisive. Les deux amis, confortablement installés, achevaient de prendre leur café. Madame Ambert les avait laissés pour préparer les enfants et se préparer elle-même à rendre visite aux dames Mareuil. Depuis qu'ils avaient emmené Pierre, voilà déjà une quinzaine de jours, elles étaient venues, ils y étaient retournés et chaque fois, Pierre s'était senti pénétré plus profondément par le charme de la jeune fille. Il imaginait par avance quel bonheur ce serait de s'attacher pour la vie une femme aussi gracieuse, aussi douce, et quelle existence paradisiaque il pourrait mener avec elle, dans cette maison confortable et tranquille. Ainsi, en imagination, Pierre se forgeait une vie heureuse. Puis tout à coup il frémit. Une image se dessinait devant ses yeux. Violetta, furieuse de cet abandon et prête à faire une de ces scènes qui avaient empoisonné leur amour et l'avaient éloigné d'elle. Cet éloignement était-il définitif? Reviendrait-il à se remettre sous son joug ou bien allait-il lier sa vie à celle de la douce Hélène? Voilà, nous sommes prêts. C'était Madame Ambert qui revenait avec les enfants. On se mit en route. Les dames Mareuil accueillirent leurs amis avec leur bonne grâce accoutumée. Loin d'Hélène, Pierre pouvait encore hésiter. Mais quand il se trouva avec elle, seule la présence de leurs amis et de sa mère l'empêchait de s'agenouiller devant elle et de la supplier de ne pas repousser son amour. Le retour fut silencieux. Tous avaient la même pensée, mais personne n'en dit rien. Après le dîner, Pierre monta de bonne heure dans sa chambre et se mit à réfléchir. Il fallait prendre une décision, et il était décidé à la prendre dès ce soir. Il ouvrit sa fenêtre et s'installa devant la sérénité de la nuit pour mettre un peu d'ordre dans son esprit et dans son cœur. En pensant à Violetta, il eut un petit frémissement. Mais à l'idée de reprendre cette existence accablante, et pour toute la vie, il se sentait sans courage. Il pouvait aussi, tout en oubliant Violetta, partir sans espoir de retour, et oublier aussi Hélène. À cette pensée, à l'angoisse qui serra son cœur, il comprit combien il l'aimait. Dès cette minute, ce destin était fixé. La nuit ne changea rien à ses intentions. Il trouva son ami au petit-déjeuner. « As-tu 2 minutes ?» lui demanda-t-il. Et quand ils se furent éloignés sous les arbres, il continua. « J'ai réfléchi, je suis décidé, je serai heureux d'épouser Mademoiselle Hélène. J'en suis heureux pour toi. Je suis persuadé que tu vas vers le bonheur. Je te prie donc de présenter ma demande à ces dames. »« J'irai ce soir même, voir Madame Mareuil, » répondit Monsieur Ambert. La bonne dame ne put se défendre de l'émotion de toutes les mamans à qui on demande la main de leur fille. Elle appela Hélène, qui eut un sourire, une larme. Elle embrassa sa mère et tendit la main à M. Ambert, comme elle l'aurait tendue à Pierre lui-même. Pierre, qui était venu au-devant de M. Ambert, le vit venir de loin et lui faire aussitôt des gestes joyeux. Il rendit compte de sa mission. La bonne nouvelle mit la maison en gaieté pour toute la soirée. Le lendemain, toute la famille alla passer l'après-midi chez les dames Mareuil. La visite se déroula comme les précédentes, mais tout de même un peu plus cérémonieuse. À partir de ce jour-là, Pierre vint tous les jours. Hélène l'attendait à peu près toujours à la même heure. Il se reposait d'abord un moment au salon. Hélène lui montrait un livre ou quelques bibelots, souvenirs de famille. Ils parlaient de leurs goûts, des ouvrages qu'ils avaient lus, de leurs poètes ou musiciens préférés. Puis, il lui demandait de se mettre au piano. Il s'accoudait auprès d'elle et elle jouait des mélodies plutôt émouvantes que brillantes. Au dernier accord, il lui prenait la main et la pressait sur ses lèvres. « Petite main de fée, murmurait-il, petite main qui dispense des joies célestes, petite main qui renferme de si grands bonheurs. Je te tiens dans les miennes et je veux t'y garder toute ma vie. Tu es le symbole de la félicité, et le seul souci de cette existence que je te consacre sera de veiller à cette félicité dont je veux remplir tes jours. » Et les baisers rapides dont il couvrait cette petite main glissaient sur le poignet satiné et s'y attardaient jusqu'à la manchette de dentelle qui leur interdisait de s'avancer plus loin. « Ma bien-aimée, continua-t-il, comme je suis heureux d'être auprès de vous et d'avoir trouvé le bonheur de ma vie. Comme je me félicite de tous les événements qui m'ont amené à vos pieds, ma rencontre avec mon ami Ambert et son invitation qu'une bonne fortune m'a poussé à accepter, et son voisinage avec vous et votre amitié. Il semble qu'un heureux hasard m'ait inspiré. Mais non, il n'y a pas de hasard. C'est l'amour qui m'a pris par la main et qui m'a amené vers vous pour mon bonheur et aussi pour le vôtre, puisqu'ils doivent être unis et désormais n'en faire qu'un. » Hélène l'écoutait, toute tremblante. Par instant, un léger battement des paupières voilait son regard. Ses lèvres frémissaient et ses joues se coloraient d'un délicat incarnat. Puis, brusquement, elle se levait. « Venez, disait-elle, venez admirer mes roses. » Ils descendaient au jardin comme deux écoliers lâchés. Le printemps épanouissait somptueusement les massifs. Ils admiraient un moment les merveilles de la nature, et Pierre félicitait la jeune fille. Puis, il passait le bras sous le sien et l'entraînait. D'abord, il marchait lentement parmi les allées. Il la serrait plus étroitement contre lui. « Quelle existence enchantée nous allons mener tous les deux, unis par l'amour dans cette maison et sur ce coin de terre qui semble aménagé exprès pour une vie heureuse. Loin des bruits importuns, loin de toute vaine agitation, nous compterons au battement de notre cœur les minutes heureuses, ou plutôt, nous ne les compterons pas, mais les laisserons passer avec la certitude que celles qui suivront seront aussi heureuses que celles qui passent. « Et ce sera un bonheur de toute notre vie, » murmura-t-elle. Il l'entraînait dans le bosquet qui avait des allures de petit parc et que les feuilles nouvelles rendaient déjà assez touffues. « Oui, le bonheur, » reprenait-il, « un bonheur qui ne sera peut-être pas très éclatant, pas très exubérant, mais intense, profond, souverain. Un bonheur qui ne dépassera pas les limites de ce domaine. Mais je trouverai dans la douceur, dans la séduction de votre sourire, dans la lumière ensoleillée de vos yeux, dans la fraîche et caressante suavité de vos lèvres en fleurs, et plus encore, dans l'angélique sérénité de votre âme, dans l'amour ineffable qui montera de votre cœur comme une fleur magnifique et toujours vivace. » Il s'appuya à un arbre et attira Hélène dans ses bras. Sincèrement troublée par ses paroles, elle appuya languissamment sa tête sur l'épaule de Pierre. Une minute, il la tint ainsi, main légère, la masse souple et somptueuse de sa chevelure d'or. Elle leva doucement les yeux vers lui, et comme s'il eût voulu lire au fond de ses yeux limpides, il s'inclina vers elle, si bien que leurs lèvres se joignirent et qu'ils échangèrent ainsi leur premier baiser d'amour. « Ah, ce baiser, ma bien-aimée! Toute notre espérance, toutes les palpitations de notre âme, tous les enivrements de notre amour !» Ce n'était pas l'amour qui gardait vivace au cœur de Violetta le souvenir de Pierre. Le temps qui passait, au lieu de la calmer, l'exaspérait au contraire. La blessure faite à son orgueil s'envenimait de jour en jour et enfonçait de plus en plus dans son cœur le désir de se venger. « Vous vengez, reprenait Laurent, quel avantage y trouverez-vous en admettant que vous réussissiez? Il faut retrouver cet homme, » dit-elle d'un ton glacial. « Comment voulez-vous faire? Nous n'avons rien, aucun indice. » Peut-être. Pierre a resté trop longtemps auprès de moi, sans m'avoir raconté son histoire en citant des noms. Il a laissé des papiers et des lettres. Venez demain. Je suis persuadé que nous trouverons des indications précieuses. Comme Pierre l'avait désiré, dès que l'accord fut fait, les formalités du mariage furent menées rapidement. Les après-midi de fiançailles qu'il venait de passer auprès d'Hélène étaient délicieuses. Il espérait qu'une fois mariée, elle le serait bien plus encore. il espérait aussi que la présence continue de sa chère Hélène chasserait les souvenirs qui lui restaient de Violetta et lui ferait oublier la façon assez peu élégante dont il s'était séparé d'elle. La veille du grand jour, ils étaient tous les deux au salon. Hélène venait de jouer un menuet de Mozart et elle laissait distraitement sa main voltiger sur le clavier. « À quoi pensez-vous, mon ami ?» Elle tourna vers lui son visage si pur, son demi-sourire si doux. « À quoi pourrais-je penser, sinon à nous ?»« À nous, qui sont demain une seule pensée, un seul cœur ?»« Que dis-je demain ?»« Déjà depuis longtemps, vous êtes ma seule pensée. Quand je regarde en arrière, je me demande comment j'ai pu vivre sans la fraîcheur de votre visage, la lumière de vos yeux et la douceur de votre âme. Maintenant, si une cruelle et imprévisible destinée nous séparait, je serais dans la vie plus désorienté qu'un aveugle, car j'aurais perdu ma clarté. Mais à quoi vais-je penser? L'amour ne nous a pas réunis pour nous séparer. Cet amour qui est l'essence même de notre vie et que la mort même n'éteindra pas. » Il la serra dans ses bras. Elles restèrent 2 minutes silencieux, baignées dans cette atmosphère de tendresse qui est comme une auréole autour des cœurs sincères. Elle se redressa soudain. « Vous n'avez pas vu ma robe ?» Elle le prit par la main et l'emmena jusqu'à sa chambre. La robe blanche était étalée sur un fauteuil, le voile, la couronne. Il resta sur le seuil et joignit les mains. Il restait enlacé. « Demain, murmura-t-il, demain, la plus belle, la plus aimée. » Ce fut une cérémonie toute simple dans la petite église du bourg, mais très touchante. Pas de tapis rouge jusqu'au parvis, ni de grandes orgues, ni de suisses empanachées. Mais l'attention un peu naïve du vieux curé, et une douzaine d'amis sincères. Le seul luxe fut une profusion de fleurs, des fleurs partout. Les jardins des environs avaient été dévastés en l'honneur de la plus jolie, de la plus attendrissante des mariées. Un déjeuner réunit tous les invités peu à peu. Cette journée heureuse passa comme les autres. Avec la même impassibilité, les invités partirent les uns après les autres, puis, tout frémissant de fièvre amoureuse, le visage extasié, comme s'il ne croyait pas son bonheur, Pierre emmena sa jeune femme. Dans la chambre qui abrita leur amour, devant la fenêtre grande ouverte sur une nuit inondée de clarté opaline, il lui prit les mains et la regarda 1 minute. « Vous, murmura-t-il, c'est bien vous qui êtes là, près de moi, avec moi. Vous n'êtes pas un rêve qui va s'évanouir. Vous n'êtes pas une belle image de mon bonheur. Vous êtes mon amour et mon bonheur même, mon Hélène, que j'aime et que je vais prendre dans mes bras pour y garder toute ma vie. » Et la serrant sur son cœur, il posa ses lèvres sur son front, sur ses yeux, comme un papillon sur une fleur, et enfin sur ses lèvres qui s'entr'ouvrirent à la chaleur de la caresse. Ils frissonnèrent tous les deux dans l'attente impatiente de l'accord souverain. Ils avaient décidé de ne pas faire un grand voyage, mais simplement une brève promenade jusqu'à Rouen, qu'Hélène ne connaissait pas encore. Ils y resteraient 3 jours. De retour, ils s'arrêtèrent à Paris et allèrent 3 ou 4 fois au théâtre. Mais la rumeur de la grande ville convenait mal à leur bonheur, qui était encore trop récent pour s'en accommoder. Ils aspiraient tous les deux à une calme et reposante sérénité. Aussi, quand Hélène dit un matin, « Si nous partions ?» Pierre acquiesça avec empressement. « Quand tu voudras, ma chérie, ce soir, si tu veux, ou plutôt demain, car il faut que je prenne et que j'empaquette diverses choses que je veux emporter. Et moi, j'ai encore quelques achats à faire. Pour une fois, nous allons nous séparer. Tu vas faire tes achats, moi je vais préparer mes bagages. Un dernier soir à Paris, et demain nous filons. » Pendant qu'Hélène parcourait les magasins, Pierre se rendit à son logement de garçon qu'il avait conservé et qu'il conserverait encore pour avoir un pied-à-terre quand il reviendrait à Paris. Il n'y avait pas amené sa jeune femme pour cette fois, parce que rien n'était prêt pour la recevoir. Dès qu'il parut, la concierge lui dit « Monsieur, on est venu vous demander. » « Ah, et qui donc ? Un monsieur, il y a 3 jours. Vous ne le connaissez pas ? Il n'a pas dit son nom ? Il n'a pas dit qu'il reviendrait ? Non, il n'a rien dit. Pas même son nom, et je ne le connais pas. C'est certainement la première fois que je le vois. Comment est-il ? Taille moyenne, brun. Il a eu l'air assez contrarié de ne pas trouver monsieur. Il a réfléchi pendant 3 minutes et il est parti sans rien dire. Bon, merci. S'il y tient, il reviendra et il dira ce qu'il veut. » Pierre monta chez lui et choisit les papiers, les livres, les bibelots qu'il voulait emporter. Il les rangea dans 2 valises, les descendit, appela un taxi et rentra à leur hôtel pour attendre Hélène. Elle rentra peu de temps après lui et lui montra ses emplettes. Ils bouclèrent leurs bagages et allèrent dîner sur les boulevards. Le lendemain, ils reprenaient le chemin de la maison si confortable, perdue dans les arbres, où leur bonheur allait s'épanouir dans toute sa plénitude. Violetta avait trouvé l'adresse de Pierre à Paris, sur une enveloppe qu'on lui avait fait suivre autrefois, et aussi l'adresse de deux de ses amis. « Voilà plus qu'il n'en faut pour le retrouver. »« Vous êtes donc bien décidé ?» dit Laurent. « Plus que jamais. Si vous avez peur, dites-le. Je me débrouillerai toute seule. » Il sourit, s'approcha d'elle et l'embrassa. Il suffisait d'un baiser pour le mettre hors de lui. « Vous partirez donc ?» conclut-elle. Il était parti. Les circonstances lui avaient permis de retrouver Pierre assez vite. Il l'avait écrit à Violetta et il attendait sa réponse. 3 jours après, comme il rentrait à son hôtel, il la trouva dans sa chambre. Elle bondit vers lui. « c'est vrai, vous savez où il est ? Alors nous le tenons. Violetta va lui apprendre qu'on ne trahit pas impunément Violetta. » Pierre et Hélène étaient revenus dans la maison du silence, du repos, du bonheur. Il leur semblait que leur amour s'épanouissait, plus libre, plus intense. Pierre s'arrêtait parfois et regardait sa jeune femme. L'amour donnait à sa beauté un éclat, un resplendissement nouveau. Il s'approchait d'elle, les yeux rayonnants de tendresse. « Ma bien-aimée, murmurait-il, mon bonheur est si haut, si pur, si inespéré, que je ne suis pas encore bien familiarisé avec lui. Il faut que je vous voie pour être bien sûr que vous êtes là, et que je suis là, moi aussi, pour toute la vie. » Elle levait vers lui son front pensif et son visage prenait un petit air étonné. « Mais oui, Pierre, nous sommes là, tous les deux, pour toute la vie. Puisque nous nous aimons, il n'y a là rien de surprenant. »« Non, ce qu'il y a de surprenant, c'est que la destinée m'ait mis sur votre chemin. Il n'y a qu'une femme au monde aussi adorable que vous. Vous, votre beauté, votre finesse, l'éclat de vos yeux, l'enchantement de votre sourire, la pureté de votre âme, la douceur de votre caractère, la sensibilité de votre cœur. Enfin, vous êtes exactement la femme que je voulais aimer. Et justement, c'est toi que j'aime, ma bien-aimée. » Il la serrait contre lui et l'embrassait avec une ferveur passionnée. « Allez, monsieur, laissez-moi, » disait-elle en riant. « Vous me décoiffez. » Elle se dégageait et s'enfuit au jardin. Il la poursuivait, la rejoignait et, plus paisible, ils continuaient leur promenade autour des massifs de fleurs. Cet après-midi-là, Pierre rangeait les bibelots qu'il avait rapportés. Déjà, il avait accroché au mur de peinture auquel il tenait. Il avait donné à Hélène une jolie coupe en onyx sur pied de bronze ciselé et doré. Elle lui avait fait une place sur son piano. Il disposa encore une boîte encloisonnée, un petit marbre, qu'elle voulut garder pour sa chambre. Et enfin, 4 verres de Venise à travail, d'une finesse admirable. Pierre les fit admirer à Hélène. Il les élevait à la hauteur de l'œil et les faisait miroiter au soleil. Comme ils sont irisés. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel jouent dans leurs reflets. « Oui, approuvait Pierre, ils sont très beaux et très anciens. Je les ai rapportés d'Italie et ils ont encore une particularité très curieuse. »« Ah, et laquelle ? Vous savez qu'autrefois, dans les petites cours d'Italie, fleurissait l'intrigue, le complot, les rivalités féroces. Des familles ennemies, des partis rivaux, se faisaient une guerre acharnée, et même dans la même famille, pour une question d'intérêt. » Chacun n'hésitait pas à supprimer son père ou son frère, ou tout autre membre de la famille. Souvenez-vous des Borgia, des Médicis et de tant d'autres. Tous les moyens étaient bons, le lacet, le poignard. Mais le moyen le plus simple, le plus commode, c'était le poison. C'est ainsi que Ferdinand de Toscane se débarrassa de son frère François et de sa femme. Quiconque buvait n'était pas sûr de ne pas trouver la mort au fond du verre. Charmante époque. Ces mœurs-là se pratiquaient surtout parmi les puissants, à qui la mort du concurrent donnait le pouvoir, ou dans les familles riches, pour accaparer la fortune. Alors, on cherchait les moyens de déjouer le piège. Les sorciers, les alchimistes, étudièrent à la fois la nature des poisons les plus usuels et la composition des pâtes de verre, et ils arrivèrent, paraît-il, à fondre des verres d'une certaine matière qui ne supportait pas le poison. Le poison attaquait le verre, exactement. Quand on versait le poison dans ces verres-là, le verre commençait à craquer, à se fendiller, puis presque aussitôt se brisait. C'est vraiment curieux. « Et vos verres sont de cette nature-là ? » demanda Hélène. « On me l'a assuré, » répondit Pierre. « Ce n'est pas pour cela que je les ai achetés, quoique ce soit une particularité assez curieuse et assez rare. Mais je ne pense pas qu'on veuille m'empoisonner, et nous n'aurons sans doute pas l'occasion de le vérifier. Non, je les ai achetés parce qu'ils sont très jolis. » En parlant ainsi, Pierre examinait les verres. Hélène les essuyait soigneusement et les rangeait sur le buffet quand la servante annonça un visiteur qui demandait à voir Pierre. Comme celui-ci se retournait, il vit avancer Laurent, qu'il avait vu si souvent près de Violetta. Il fut si surpris qu'il resta cloué sur place. Pourquoi était-il là? Venait-il lui parler d'un passé avec lequel il croyait avoir définitivement rompu? Cependant, Laurent s'avançait, souriant, la main tendue. « Bonjour, » dit-il, « comme je suis heureux de vous revoir. Mais moi aussi, » dit Pierre contre toute évidence. « Vous êtes surpris de me voir, sans doute. Je vous avoue que je ne m'attendais pas. Eh bien, mon cher, le monde est vraiment petit. Et les choses qui nous paraissent les plus extraordinaires arrivent le plus simplement du monde. Je passe quelques jours chez un ami à quelque distance d'ici. Avant-hier, je vous ai vu passer avec madame. J'ai parlé de vous, on m'a mis au courant de votre mariage et de votre installation ici. Je suis venu vous dire bonjour. J'espère que je ne suis pas indiscret. Comment donc? Mais pas du tout, au contraire, vous nous faites plaisir. » Pierre fit signe à Hélène de sortir la bouteille de Porto et de donner des verres. Mais oui, les petits verres vénitiens, puisqu'ils étaient là. Hélène offrit le Porto avec sa bonne grâce accoutumée. Laurent leur fit ses compliments à tous les deux, et la conversation continua entre Laurent, qui semblait assez à son aise, et Pierre qui tremblait de l'entendre parler de Violetta, ou faire quelque allusion plus ou moins transparente au passé. Mais Laurent ne commit aucune maladresse. Il parla d'un peu de tout, excepté du passé. Il admira l'installation, la maison, le jardin. Il apprécia combien il devait être agréable de vivre sur ce coin de terre enchanté. Il eut un mot pour le bon goût du mobilier, de la décoration et même du Porto, qu'il dégusta petits coups et qu'il trouva excellent. « Oui, oui, » accorda Pierre, « il n'est pas mauvais. » Laurent se mit à rire et dit avec un clignement d'œil, « Et vous êtes un connaisseur en bon vin ?»« Je me souviens autrefois, vous aviez jeté votre dévolu sur un certain Malvoisie qui avait vos préférences. » Pierre eut un mouvement comme pour signifier que c'était du passé. Mais Laurent continuait. « Vous l'aimiez, ce Malvoisie, et je suis sûr que vous l'aimez encore, comme je l'aime moi-même, d'ailleurs. Aussi, il me vient une idée. J'en ai apporté quelques bouteilles pour les offrir à mon ami. La prochaine fois que je viendrai, j'en apporterai une que nous boirons ensemble. » « Mais non, » protestait Pierre, « vous êtes trop aimable. » Il aurait volontiers ajouté, « Gardez votre Malvoisie, laissez-nous tranquilles et faites-nous le plaisir de ne plus revenir ici, nous rappeler un passé qui ne peut que troubler notre bonheur. » Mais Laurent insistait. Puisqu'il avait retrouvé Pierre et qu'il restait lui-même encore quelques jours dans le voisinage, il serait heureux de venir encore une fois ou deux passer une heure avec eux. Il s'en alla en disant « À bientôt !» Lorsqu'il fut parti, Pierre faillit se laisser emporter par la colère et l'envoya à tous les diables. Mais il se retint pour ne pas avoir à se justifier devant Hélène. Quand elle lui demanda qui il était, Pierre eut un geste et une réponse évasive. « C'est un bonhomme quelconque que j'ai connu autrefois et que je ne tiens d'ailleurs pas à revoir. » Il est parti en disant « À bientôt !» Mais je souhaite qu'il ne puisse pas revenir. Enfin, il a dit qu'il n'était chez son ami que pour quelques jours. Pierre se consola en pensant que s'il avait à subir encore une visite ou même deux de Laurent, du moins celui-ci se comportait discrètement et n'avait pas fait la moindre allusion à leur rencontre chez Violetta. Sans être inquiet pendant les jours qui suivirent, Pierre ne fut pas tout à fait tranquille. Laurent s'était comporté discrètement, mais aussi bien il pouvait laisser échapper sans le vouloir un mot imprudent. Si Hélène avait appris ses amours toutes récentes avec Violetta, sans doute n'aurait-elle pas eu de reproches à lui faire, mais elle en aurait ressenti tout de même un gros chagrin. Aussi, il eut un mouvement d'humeur quand il le vit arriver, un mouvement qu'il réprima aussitôt pour s'avancer au-devant de lui avec le sourire et à la bouche ces paroles de politesse et de bienvenue qui sont si souvent un mensonge. « Cher ami, enchanté de vous voir. » « Moi aussi, cher ami, vous avez été si accueillant, si aimable, et je n'ai pas voulu partir sans vous dire adieu. Nos bonnes relations ne sont pas si anciennes. Vous quittez bientôt vos amis, la semaine prochaine, déjà. » Mais en parlant ainsi, Pierre ne pouvait pas s'empêcher de sourire à ses bonnes relations avec Laurent, ou plutôt au regard de rage qu'il décochait à Violetta et à lui-même quand il était obligé de partir, tandis qu'il restait lui, Pierre, auprès de la jeune femme. La conversation continua quelques instants sur les charmes du pays et de la saison, sur les projets de Laurent qui partait et ceux de Pierre qui restaient là. Hélène disposa les verres sur le guéridon, ses curieux verres de Venise, et elle atteignit la bouteille de Porto. Mais Laurent l'arrêta. « Non, madame, non, permettez-moi. Comme je vous l'avais dit, j'apportais une fiole de malvoisie. » « Mais, monsieur, il ne fallait pas. » « Si, si, madame, chaque fois que j'ai eu l'honneur de boire avec monsieur votre mari, il a marqué une prédilection particulière pour le vin de malvoisie. J'en avais 4 ou 5 bouteilles sous la main et je me suis permis. » En parlant ainsi, Laurent avait débouché la bouteille et il commençait à remplir le premier verre avec l'onction que l'on doit à un vin de grande marque. Mais le verre n'était pas encore plein qu'un léger craquement se fit entendre. Pierre tressaillit, son regard inquiet, interrogateur, allait du verre plein à Laurent qui commençait à remplir le second. Hélène tremblait en se souvenant de ce qu'avait dit Pierre de ces verres-là. Était-ce possible? Mais alors, dans le silence, un second craquement se fit entendre, plus fort que le premier. Les signes se précisaient, mais Pierre, avant d'agir, voulait être sûr. Il se pencha et prit le verre délicatement. Mais le verre se brisa avec un troisième craquement, le vin se répandit, Hélène poussa un cri, Pierre marcha vers Laurent. « Misérable! C'est du poison que vous nous versez là !» Surpris, décontenancé, Laurent reculait. Pierre le prit à la gorge et le secoua. La bouteille roula à terre, Pierre le poussait contre le mur. « Qu'est-ce que c'est que ce vin que vous nous avez versé là? C'est du poison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous n'êtes venu que pour nous empoisonner? Vous êtes un misérable !» Il le secouait avec toute l'énergie que lui donnait son indignation. Laurent résistait mal, ne comprenant pas comment il avait été deviné, et surpris par cette attaque brusque. Hélène, toute tremblante de peur, était tombée dans un fauteuil et déchiquetait son mouchoir avec ses dents. Cependant, Laurent commençait à se ressaisir et quelques mots se distinguaient parmi les sons inarticulés qui sortaient de sa gorge. Il essayait encore de sauver la situation. « Mais enfin, je ne comprends pas, mon ami, cette violence !» Mais soudain, la silhouette d'une femme se dessina sur le seuil. D'un coup d'œil, Pierre reconnut Violetta, devint blême et resta figé. Le regard de Violetta fit rapidement le tour de la pièce. Elle comprit. « Ah ! » s'écria-t-elle, comme si elle sifflait entre les dents. « Il n'a pas bu. Tu es un maladroit, Laurent. Tu as manqué ton coup. Mais je ne veux pas pour cela manquer ma vengeance. J'espère que j'aurai plus de chance que toi. Lui d'abord, et elle après. » En disant ces mots, elle avait sorti un revolver qu'elle dissimulait dans sa manche et le dirigeait contre Pierre. Mais la vue de l'arme avait rendu à celui-ci son sens de la situation et sa présence d'esprit. Il vit Hélène menacée, il lâcha Laurent et en deux bonds se rua sur Violetta, au moment précis où celle-ci lâchait son premier coup de revolver destiné à Pierre. Le choc fut si violent qu'il lui fit replier brusquement le bras. L'arme fut complètement déviée et la balle pénétra dans l'épaule de Violetta elle-même. Elle tomba en poussant un cri et s'évanouit. Laurent se précipita à son tour. Avec Pierre, ils soulevèrent délicatement la blessée et l'étendirent sur le divan. Madame Mareuil et Hélène coupèrent les vêtements et étanchèrent le fil de sang qui coulait de la blessure en attendant l'arrivée du docteur à qui on avait téléphoné. Il arriva bientôt et sans vouloir se prononcer sur la gravité de la blessure, il fit un pansement provisoire tandis qu'on appelait une voiture d'ambulance. Violetta installée, Laurent monta auprès d'elle et la voiture s'éloigna. Hélène restait debout, frémissante d'horreur et de crainte, le visage angoissé. Pierre s'approcha doucement d'elle et lui prit les mains qu'elle lui abandonna. « Mon Hélène, ma femme bien-aimée, murmura-t-il, je te demande pardon. Cette scène t'a épouvantée. Je ne suis pas tout à fait innocent, mais je ne suis pas non plus complètement coupable. Pardonne-moi, je t'aime. » Elle tomba dans ses bras et éclata en sanglots. Dans une petite chambre de clinique, Violetta est installée sur son lit avec un pansement encore et le bras en écharpe. Mais c'est fini. La blessure a été douloureuse mais sans gravité, et elle a été vite guérie. Laurent est auprès d'elle. Il ne l'a pas quittée, et depuis qu'elle peut l'entendre, il lui répète qu'il l'aime, que s'il l'avait écoutée, tout cela ne serait pas arrivé, et qu'il sera en ce moment bien tranquille au soleil, au bord de la mer. Elle l'a écouté d'abord d'un air assez farouche. Ses anciennes idées ne l'avaient pas encore quittée. Elle ne voulait pas subir cette offense, elle voulait se venger. Mais peu à peu, elle fit des réflexions. On a le temps de réfléchir quand on est cloué jour et nuit sur un lit de douleur. Un revirement se fit en elle. D'ailleurs, son coup était manqué. Maintenant, elle était dépistée. Aussi, elle écouta Laurent d'une oreille plus attentive. N'avait-il pas raison? En même temps, elle fut plus profondément touchée par l'amour de cet homme que rien ne décourageait. Quand il lui disait « Vous savez bien que je vous aime », son visage prenait une expression extatique et une flamme brillait dans ses yeux. Il ajoutait « Laissez tout cela, oubliez tout cela. Dès que vous pourrez supporter le voyage, partons ensemble et vous verrez que nous serons heureux. » Elle mit la main dans la sienne en signe d'accord. Pierre entra. Il eut un moment de silence assez lourd, puis il dit « Je suis heureux que votre blessure ne soit pas grave et que vous soyez déjà presque guéri. Je ne me dissimule pas mes torts envers vous, Violetta. J'étais coupable. Je vous demande pardon. Mais vous savez, nous sommes souvent les jouets des événements. Nous ne sommes pas libres de nous-mêmes et surtout de notre cœur. Violetta, je vous demande de tout oublier. Je vous demande de m'oublier. Et si par hasard vous pensez à moi, je vous demande que ce soit sans rancœur, sans acrimonie, sans amertume. Si je vous laisse un souvenir, qu'il soit doux et souriant. Qu'il en soit de même pour vous, répondit-elle. Je n'ai pas eu la sagesse de renoncer à un projet de vengeance. Pardonnez-moi vous aussi. Je suis heureuse que rien de grave ne soit arrivé, car ma blessure n'est rien. Mais elle m'a donné le temps de faire des réflexions, et j'ai découvert qu'avec le bonheur d'aimer, il y avait aussi le bonheur d'être aimé. C'est à ce second bonheur que je vais m'abandonner, et je suis persuadé que par surcroît, il me donnera aussi le premier. » En disant ces mots, elle regardait Laurent en souriant. Elle ajouta « Dans 3 jours, je pourrai me lever, et nous partirons tous les deux pour ne plus nous quitter. » Pierre s'avança vers le lit. « Embrassez-moi une dernière fois, et soyez heureuse. » Il sortit, les yeux pleins de larmes, car ce n'est jamais sans regret que l'on dit adieu à un passé qui vous a donné des heures heureuses. Mais dès qu'il fut dehors, une douce image se dessina devant ses yeux, et il se hâta pour vite retrouver son Hélène bien-aimée. Elle était au jardin. Elle vint au-devant de lui, les yeux voilés de cette buée légère qui les attristait depuis la scène dramatique de l'autre jour. Pierre glissa son bras sous celui de sa femme. Ils cheminèrent à pas lents parmi les allées. Après quelques minutes, il lui dit « Hélène, tu sais que je t'aime. Tu es bien sûr que je t'aime, toi seule et pour toujours. » Elle leva vers lui ses grands yeux que la tristesse rendait encore plus touchants. « Je vous aime, » continua Pierre, « depuis le premier jour où je suis venu avec mes amis. J'ai hésité, j'ai attendu avant de me l'avouer à moi-même pour être bien sûr que mon amour pour vous était l'amour de toute ma vie. Quand je vous l'ai dit, vous l'avez accueilli avec une douceur dont je vous serai éternellement reconnaissant. Aussi maintenant, rien ne le fera sortir de mon cœur. » Ils firent encore quelques pas en silence et Pierre continua. « Non, rien, rien dans l'avenir, rien dans le passé. Ah, le passé! Pourquoi ne rencontrons-nous pas tout de suite la femme de notre cœur? Pourquoi la destinée nous condamne-t-elle à errer avant de rencontrer l'amour souverain et définitif? Ah, ma bien-aimée, il y a peu d'existence humaine qui n'ait ses maladresses, ses erreurs, parfois ses drames. Mais tôt ou tard, elle s'en dégage et l'amour véritable brille comme le soleil dans un ciel pur. Maintenant, c'est fini, ma bien-aimée. Tous les nuages sont dissipés. Toutes les pierres du chemin sont écartées. Il s'ouvre devant nous, fleuri et ensoleillé à perte de vue. Et nous allons le suivre tous les deux, tendrement appuyés l'un sur l'autre, pour toute une vie de bonheur. » La prenant dans ses bras, il sécha d'un double baiser les larmes qui embuaient ses yeux et la serra longuement sur son cœur. Ainsi s'achève Violetta par Marcel Trières.